بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد On commence, inshallah, le cours numéro 77 dans l'explication du livre de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, donc, comme on continue le livre, on a fini le volume 1 dans l'explication, là, le charh, et là, on commence le volume 2, qui est le dernier volume, parce que le charh est divisé en deux volumes. Donc, on commence le deuxième volume, inshallah, et puis... C'est à peu près le même nombre de pages, un peu plus petit que le premier volume, mais à la fin c'est presque pareil. Donc on commence, inshallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh al-Islam il dit, yaqul Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghafar Allahu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تبين قول هؤلاء أو تباين نعم بصفات تباين قول هؤلاء. Donc le cheikh explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que eux ils ont dit que les anges sont des illusions, sont des choses que les messagers inventent ou imaginent dans leurs esprits. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit les anges dans son livre par des descriptions qui les distinguent de la parole de ces gens-là, de ces philosophes, comment eux ils interprètent les anges. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر عن الفلاسفة أنهم يقولون إن الملائكة لا حقيقة لها في الوجود وإنما هي خيالات يتخيلها الإنسان فهي القوى الذهنية يتخيلها النبي وإنها جاءت إليه وإنها حدثته والشياطين كذلك إنما هي القوى الشريرة التي تحضر في ذهن الإنسان وهكذا قول الفلاسفة في الملائكة والشياطين لأنهم لا يؤمنون بالغيب ويفسرون الأشياء بأفهامهم فالشيخ يرد عليهم ويقول الملائكة خلق من خلق الله لهم وجود في الكون ولهم صفات في القرآن وصفهم الله عز وجل فهم ليسوا قوى ذهنية أو أفكارا وإنما هي مخلوقات كما أن الله خلق بني آدم خلق أيضا الجن والشياطين وقد خلق الملائكة عوالم خلقها الله سبحانه وتعالى عالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الإنس وعالم الجن وعوالم كثيرة لا يعلمها إلا الله الله وصف الملائكة بأنهم عباد وأنهم عنده سبحانه وتعالى في السماوات وأنهم يتنزلون بأمره في الأرض منهم من ينزل بالوحي ومنهم من ينزل بإحصاء أعمال بني آدم وكتاباتها ومنهم أصناف لهم أوصاف وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, on a déjà expliqué à propos dans les cours précédents la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah et qu'est-ce qu'il a mentionné à propos des philosophes et du fait qu'ils disent que les anges n'ont aucune réalité dans l'existence et que ce sont uniquement des choses que l'être humain imagine. Donc ce sont des forces mentales ou des choses que les prophètes imaginent. Et ils imaginent qu'elles viennent à lui, qu'elles lui parlent. Et la même chose pour les diables. Ils disent que les diables, ce ne sont pas des êtres créés les êtres réels sont seulement des forces mauvaises dans l'esprit, hein, qui parlent à la personne dans sa tête, hein, dans son esprit. Donc il n'y a rien de réel, réel dans ça. Hein, c'est ça qu'il pense. Donc c'est comme ça que les anges, c'est comme ça que les philosophes représentent les anges et les diables. Ils disent que c'est des choses qui ne sont pas réelles, parce que ils ne croient pas en Al-Ghayb, ils ne croient pas en l'invisible. Et donc ils interprètent les choses selon leur propre compréhension. Et donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il les réfute sur ça, et il leur mentionne que les anges sont des créatures parmi les créatures d'Allah, et qu'elles ont une existence dans l'univers, et que les anges donc ont des caractéristiques qui sont mentionnées à leur sujet dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits, et donc ce ne sont pas des forces dans l'esprit, hein, ou des forces dans la pensée, mais ce sont uniquement des créatures, comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé les fils d'Adam. Il a également créé les djinns, les diables, et il a créé les anges aussi. Et donc ce sont des mondes que Allah a créés, le monde des anges, le monde des diables, le monde des êtres humains, le monde des djinns. Tout ça, c'est des nombreux mondes que Allah a créés, hein. Personne ne les connaît excepté Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les anges en disant que ce sont des serviteurs, et qu'ils sont auprès de lui dans les cieux, et qu'ils descendent avec son commandement sur terre, et que également ils descendent avec la révélation. Et parmi eux, il y en a qui descendent pour calculer ou enregistrer les œuvres des fils d'Adam et de les écrire. Et parmi eux, il y en a d'autres également, plusieurs différentes sortes et plusieurs différentes catégories. Et tous ces anges ont des descriptions. Et donc, c'est un monde parmi les mondes de l'invisible que personne ne connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va mentionner des versets à ce sujet-là. Je vais juste m'arrêter une seconde, je reviens tout de suite. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit maintenant, « كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Donc ici le Cheikh il mentionne les versets de Sourate Al-Anbiya 26 à 29. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos de la description des anges certains points. Donc on va lire la traduction à ce sujet. Il dit, et ils dirent, hein, c'est-à-dire les chrétiens, hein, les chrétiens, ils dirent, le tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, s'est donné un enfant, hein, pureté à lui, c'est-à-dire qu'il soit purifié de ce genre de blasphème, hein, et de mensonge. Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés, c'est-à-dire en parlant des anges, ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. En parlant des anges. Et le verset suivant, il sait, hein, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait, je suis une divinité en dehors de lui, nous le rétribuerons de l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc, maintenant, on va lire les commentaires à ce sujet, à propos de ces versets. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Al-Nasara yaquluna inna Isa ibn Allah, Al-Masih ibn Allah, hein, Al-Masih ibn Allah, هكذا يقولون. ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، فنسبوا له البنين والبنات سبحانه وتعالى. والفلاسفة يقولون ما ذكر آنفا من أنهم قوى ذهنية أو نفسية، وهذه أقوالهم في الملائكة. الله عز وجل رد على المشركين وعلى النصارى وقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وهذه الآية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، قالوا أي المشركون والنصارى اتخذ الرحمن ولدا. منهم من يقول المسيح، ومنهم من يقول الملائكة بنات الله اتخذ الرحمن ولدا. والولد يشمل الذكر والأنثى، يسمى ولدا. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك، لأن الولد جزء من الوالد يشبه الوالد، الله لا شبيه له، والوالد يكون محتاجا إلى الولد، الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فنزه نفسه عن اتخاذ الولد، ووصف الملائكة بأنهم ليسوا بنات الله بل عباد مكرمون، وإنهم هم عباد، إنما هم عباد مكرمون، عباد من عباد الله. مكرمون يعني كرمهم الله في طاعته وجعلهم في السماء وأعطاهم صفات ليست لغيرهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الملائكة وهم من خشيته مشفقون يعني خائفون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فنزه الملائكة عن أقوال المشركين والفلاسفة وأعطاهم أوصافا عظيمة. Donc le cheikh il dit que les chrétiens ils disent que Jésus c'est le fils de Dieu. Ils disent que le Messie c'est le fils de Dieu. Et les mushrikines parmi les Arabes, ils disent les anges sont les filles de Dieu, les filles d'Allah. Et donc ils ont attribué à Allah des filles et des fils. Des fils et des filles. Et le cheikh il dit que les philosophes eux disent à propos des anges, comme on l'a mentionné précédemment, que ce sont des forces mentales ou des forces spirituelles, ou des forces à l'intérieur de la personne qu'il imagine dans son esprit ou dans sa tête. Et le cheikh il dit ça c'est leur position à propos des anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les mushrikines et il a réfuté les chrétiens, et il dit ils disent Allah subhanahu wa ta'ala n'a pris aucun enfant et il n'y a aucune autre divinité avec lui. Et dans le verset 19 dans Surat Az-Zukhruf, tu vois, le verset précédent c'était 91 dans Surat Al-Mu'minun. L'autre verset c'est le verset 19 dans Surat Az-Zukhruf. C'est comme 91 inversé. L'autre c'est 91, l'autre c'est 19, Az-Zukhruf. Donc, ça dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans Surat Az-Zukhruf, et ils ont fait des anges qui sont des serviteurs du tout miséricordieux, des femelles, des filles. Ils en ont fait des filles ou des femelles, inathan. Et dans le verset, c'est le verset qu'on est en train d'expliquer maintenant dans Surat Al-Anbiya. قالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ils ont dit le tout miséricordieux a pris un fils ou bien a pris un enfant. Ça c'est la parole des chrétiens qui disent que le Messie c'est le fils d'Allah, ou bien les mushrikins qui disent que les anges sont les filles d'Allah. Et le cheikh il explique que le terme walad ça comprend le garçon et la fille. Ce n'est pas nécessairement le garçon seulement. Al-walad, c'est un enfant en fait, c'est un bébé. Donc dans les deux cas, ça peut être un garçon ou une fille. Et le cheikh il dit donc, Allah, il s'est purifié lui-même de ce genre d'attribution. Et il a expliqué que l'enfant est une partie de son père. L'enfant est une partie de son père. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait il dit l'enfant est une partie de son père. Et il ressemble à son père. Et Allah n'a aucune ressemblance. Donc il n'a pas d'enfant. De même que le père, il a besoin de son fils. Hein? Le père, il a besoin de son fils. Tandis que Allah, lui, il est suffisant à lui-même. Il n'a besoin de personne parmi ses créatures. Il n'a besoin de rien parmi ses créatures. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié lui-même d'avoir un enfant. Et il a décrit les anges en disant qu'elles ne sont pas ses filles, mais que ce sont des serviteurs, des esclaves honorés. Et il dit, donc ce sont des serviteurs honorés, hein, des serviteurs, des esclaves parmi les esclaves d'Allah. Et ils sont honorés par l'obéissance d'Allah. Hein. Allah les a honorés par son obéissance. Et il les a placés dans le ciel. Hein. Les anges sont dans les cieux. Et il dit, et il leur a donné des caractéristiques qui ne sont pas chez les autres créatures. Comme par exemple, il dit à leur sujet que ils ne le devancent pas dans sa parole et n'agissent que selon son commandement. Hein? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et ils ne peuvent intercéder que pour ceux qu'il a agréés. Et les anges, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, ils sont, ils ont peur, ils sont pris de crainte vis-à-vis de lui. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Donc ils sont remplis de crainte, hein, et de peur vis-à-vis de lui. Et il dit, et quiconque dirait parmi eux qu'il est une divinité en dehors d'Allah, alors celui-là, nous le rétribuerons de l'enfer. Hein, nous lui donnerons l'enfer en rétribution. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a purifié les anges de toutes les paroles des mouchriquins, des philosophes, et leur a donné des grandes caractéristiques et des grandes descriptions. Et il dit ensuite un autre exemple. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, le verset 26 dans sourate An-Najm, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien excepté après que Allah ait donné la permission pour celui qu'il veut et qu'il a agréé. Donc, ça aussi, c'est des descriptions des anges, encore une fois, et qui montrent que les anges ne peuvent pas intercéder, excepté par la permission d'Allah, et qu'ils n'ont aucun pouvoir. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « يعني كثير, يعني كم بمعنى كثير. » Donc, ici, il dit, combien d'anges, en voulant dire, il y a beaucoup d'anges, hein, énormément d'anges. Donc, « كم بمعنى كثير. » لأن كم تأتي خبرية فهي هنا خبرية وتأتي استفهامية كما عندك من كم عندك من الكتب مثلا هذه يقال لها استفهامية وكم من ملك في السماوات يعني كثير الملائكة في السماوات تنزل إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'anges, parce que kam, le terme kam en arabe peut être khabariya, c'est-à-dire ça peut être comme un déterminant. Hein? Donc c'est comme pour dire, quand tu dis dans la phrase, combien de fois vais-je te répéter, Ça veut dire, c'est, ici, c'est comme si en réalité, tu, c'est comme si tu disais combien dans le sens de je t'ai trop répété deux fois. Hein? Donc c'est dans ce sens-là ici. Hein? Et il dit, tandis qu'il peut venir dans le sens de l'interrogation. Et dans le sens de l'interrogation, ça veut dire que tu vas poser une question combien. Hein, c'est pas, ouais c'est ça. Kam dans le sens de combien, dans le sens de la de question. Kam indaka min al kutub. Combien de livres as-tu? Donc ici c'est istifhamiya. Et le cheikh il dit ici dans le verset c'est khabariya et non istifhamiya dans le sens de combien d'anges. En voulant dire beaucoup d'anges. Et donc, il dit ici que les anges descendent, hein, sont dans les cieux, les anges descendent sur la terre par le commandement d'Allah. Donc, les anges peuvent descendre sur la terre par le commandement d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, لا تغني شفاعتهم شيئاً. Leur intercession ne profite en rien, hein. Ils ne peuvent ils ne peuvent rien profiter à quiconque, yani, excepté par la permission d'Allah. Illa bi'idhnillah wa ridahu 'anil mashfu' ka ghayrihim. Comme les autres, ils n'ont pas de pouvoir d'intercéder pour qui ils veulent, excepté pour celui à qui Allah a donné la permission et excepté pour celui que Allah a agréé. Qu'on intercède en sa faveur. Donc il dit كَغَيْرِهِمْ de la même manière كَالْأَنْبِيَا وَالْأَوْلِيَا وَالصَّالِحِينَ. Donc c'est-à-dire de la même manière que les prophètes et les awliya et les salihin, les hommes pieux et les saints, ils ne peuvent intercéder que par la permission d'Allah et pour ceux que Allah a agréés. Donc il dit ensuite لَا أَحَدٌ يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. T'as une question? Vas-y. Ouais, istifham, c'est la question. Istifham, ça vient de fahima, yafhamu, et la forme istifham, c'est istifal. Donc c'est la demande, c'est la quête, demande de la compréhension. Istifham, talabul fahm. Istifham, talabul fahm. Donc tu demandes la compréhension, donc c'est on traduit ça par l'interrogation. Et l'autre, c'est al-khabariya. Al-khabariya, je ne sais pas comment traduire. Oui. Ou bien, sinon, on pourrait dire, je ne sais pas comment définir ou traduire le terme khabar en arabe, comment on le dit en français, mais ça, je pense que ça peut désigner plus qu'une chose. C'est pas que l'adjectif, parce que je pense que ça peut être parfois, khabar ça peut être adjectif, mais ça peut aussi être autre chose que ça. Ça peut être aussi l'objet, ça peut être, non. En tout cas, il faudrait que je regarde, de toute façon, l'important c'est de comprendre, hein. Et, le cheikh il dit, لا تغني شفاعتهم شيئا. Donc ça on l'a expliqué. يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه بشرطين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا فيه شرط الإذن من الله سبحانه وتعالى في الشفاعة. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. وهذا أيضا شرط الرضا والإذن. الرضا يرضى عن المشفوع فيه أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة وإنما الشفاعة تنفع المؤمنين المستحقين للعذاب يشفع فيهم فيسلمون من العذاب لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني بالشفاعة ويرضى يعني ويرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان أما الكفار فالله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه شروط الشفاعة. والشاهد فيه وصف الملائكة بأنهم في السماء وأنهم كثيرون وأنهم متأدبون مع الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. Donc le cheikh il dit, donc il explique qu'il n'y a personne qui peut intercéder auprès d'Allah excepté avec sa permission et son agrément pour celui en faveur de qui on veut intercéder, et donc il faut respecter deux conditions, et ces deux conditions là on les retrouve dans le verset 28 dans sourate al-anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada, ils ne peuvent intercéder que pour ceux que Allah a agréé. Et il dit wa hada fihi, donc ça c'est une des conditions qui est la permission comme on a mentionné tout à l'heure, et également donc la permission est il dit la tourni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah, donc leur intercession, c'est-à-dire l'intercession de ces anges là ne peut rien servir, hein, ne peut rien profiter excepté pour excepté après la permission d'Allah. Donc c'est Allah qui, donc il y a deux conditions, l'agrément pour celui en faveur duquel on intercède et la permission d'Allah d'intercéder pour celui qui veut intercéder. Donc Allah subhanahu wa ta'ala doit agréer la personne pour qui on intercède, tandis que si la personne est un mécréant ou un kafir, eh bien l'intercession ne peut pas lui profiter, puisque l'intercession elle ne profite qu'aux croyants, ceux qui méritent le châtiment. Allah permet qu'on intercède en leur faveur pour qu'ils soient épargnés du châtiment, parce qu'ils ont commis des péchés par exemple, ou des choses comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala permet d'intercéder pour eux, parce que yani, c'est des musulmans, même s'ils ont commis des péchés, c'est pas des péchés qui ont atteint le degré de shirk ou de kufr majeur, donc à cause de ça ils sont toujours musulmans, donc ils méritent l'intercession. Mais les kuffars, eux, ne méritent pas l'intercession. Donc le cheikh il explique, il dit l'intercession de ces anges ne profite en rien excepté à celui pour qui Allah a donné la permission, pour celui qu'il a voulu. Donc l'intercession c'est pour celui qu'il a agréé, et s'il n'a pas agréé quelqu'un, parce qu'il agrée seulement ceux qui font partie des gens de la foi et qui sont sur le tawhid, tandis que ceux qui font partie des kuffars, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on intercède pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset 48 dans sourate al-Muddathir, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, donc l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Non, ne leur profitera en rien. Hein? Parce que ce sont des kuffars. Et dans l'autre verset, le verset 18 dans sourate Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala dit « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ » Donc, les injustes n'auront ni amis chaleureux, ni intercesseurs écoutés ou obéis. Donc ça c'est des exemples qui montrent que l'intercession qui ne respecte pas les conditions ne seront pas valides, ne seront pas acceptées. Et Al-Shafa'a, elle a des conditions. Et donc on a dit ça. Et le point qu'on veut tirer dans ces versets-là, c'est que la description des anges, en disant d'eux qu'ils sont dans les cieux et qu'ils sont nombreux et qu'ils savent bien se comporter envers Allah et qu'ils ont du respect envers leur Créateur et qu'ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé, en parlant des anges, en parlant des hommes pieux, des prophètes et autres. وَلَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, donc à propos des anges, leur intercession ne sert à rien excepté si Allah a donné la permission et pour celui que Allah a voulu. Il dit ensuite وَقَالَ تَعَلَى قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Donc ça c'est un verset dans Sourate Saba dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique les quatre catégories. Hein? Il explique, il dit, وقال تعالى, donc il mentionne, donc c'est le verset 22 et 23 dans Sourate Saba dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il signifie. Il dit au Muhammad, invoquez ceux que vous prétendez, yani que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne détiennent même pas un atome dans les cieux ni sur la terre, et ils n'ont dans les cieux et dans la terre aucune part. Hein? Ils n'ont dans les cieux et sur la terre aucune part. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, et il n'a aucun support ou aide parmi celles-ci, et elles ne peuvent intercéder, ou bien l'intercession ne sera d'aucune utilité auprès de lui, excepté pour celui à qui Allah a donné la permission. Donc ça c'est les différents points. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il mentionne qu'il ne détienne rien dans l'univers, même pas un atome, qu'il n'a pas de partenaire ou de, alaykoum salam wa rahmatullah, qu'il n'a pas de support ou d'aide ou de partenaire parmi eux, qu'il n'a pas d'aide et qu'il n'a pas d'intercesseur ou de personne qui intercède auprès de lui excepté par sa permission. Donc le cheikh il explique ça, il résume cette parole dans le verset, il explique, il dit وفيهم الملائكة لأن الملائكة عبدوا واتخذوا شركاء لله عز وجل فهناك من يعبد الملائكة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة يعني وزن ذرة أصغر شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك لا يملكون استقلالا ولا يملكون بالاشتراك وعليكم السلام ورحمة الله ولا وما له منهم من ظهير ما الله عز وجل منهم من معين لا يحتاج إلى أن يعينه أحد سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قالوا هذه الآية قطعت عروق شجرة الشرك من أصلها لأن المدعو من دون الله إما أن يكون مالكا لما يطلب منه أو يكون شريكا للمالك أو يكون قريبا من المالك بوزارة أو باشتراء أو باستشارة كما عند الملوك والمستشارين والوجهاء أو شفيعا آخر شيء يكون شفيعا يشفع لصاحب الطلب عند الله فنفى هذه الأمور كلها ولا أحد يملك شيئا من السماوات ولا من الأرض ولا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض ولا أحد يكون وليا لله وظهيرا له يشير إليه ويؤثر عليه لأنه ليس بحاجة إلى الأعوان ولم يكن له ولي من الذل وليس له ولي من الذل. Donc on va traduire ce passage et on continue après, inshallah. Le cheikh il dit, il y a donc des anges, donc on a lu ça tout à l'heure. Ok. Donc parmi les anges, il y en a qui ont été adorés en dehors d'Allah. Il y a des anges qui ont été adorés en dehors d'Allah par des êtres humains, par certaines créatures. Ils ont pris les anges comme des partenaires avec Allah. C'est comme le verset dans, justement le verset dans Surat Saba, qui est mentionné un peu plus loin. C'est le verset dans... Attends, je vais vous le lire, comme ça vous allez comprendre de quel verset je parle, inshallah. Oui, c'est le verset 41. Le verset 40-41 dans Surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. C'est-à-dire, et le jour où il les rassemblera tous, puis il dira aux anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront: gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, hein, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc c'est-à-dire que les anges, hein, Allah il demande: est-ce vous, hein, qui les adoriez? Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait déjà la réponse, mais il leur pose la question pour établir la preuve, hein, et pour que ce soit clair. Yani ici le cheikh il explique que parmi les êtres humains il y en a qui adorent les anges, et ils les ont pris comme des partenaires et des associés avec Allah. Et il dit: فَهُنَاكَ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلَائِكَ. Il y en a qui adorent les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô Muhammad, invoquez ceux que vous prétendez exister en dehors d'Allah, hein, parmi les associés, les idoles ou autres. Ils ne détiennent même pas un atome dans l'univers, même le poids de la plus petite des choses qui existent dans la création. Ils ne détiennent même pas ça pour eux. Donc le cheikh il explique, il dit, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome dans les cieux et sur la terre, et ils n'ont pas non plus aucune partenariat, aucune part avec Allah. Donc quoi que ce soit de qu'est-ce que Allah possède dans l'univers, hein? Donc ils ne sont pas propriétaires de rien dans l'univers, ni de façon indépendante, ni par association ou par alliance ou par partenariat, hein? Ils ne possèdent rien avec de qu'est-ce que Allah a créé. Il dit: وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et ils n'ont pas non plus, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de support ou d'aide d'aucune des créatures non plus. Donc il n'a personne pour l'aider. Donc le cheikh il dit ensuite: wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah. Et l'intercession auprès de lui ne sera que pour celui à qui Allah a donné la permission d'intercéder. Donc ils détiennent aucun moyen. Et le cheikh dit, les ulama ont mentionné à propos de ce verset, il y en a 22 et 23 dans Surat Saba, que c'est un verset qui coupe complètement l'arbre du shirk, hein, depuis ses racines, depuis la base. C'est-à-dire il détruit complètement le shirk depuis sa base, depuis sa racine. Et le cheikh il dit ensuite: parce que celui qui invoque d'autres avec Allah, soit que cette personne qu'il invoque ou cette chose qu'il invoque en dehors d'Allah, elle soit le propriétaire de ce qu'il lui demande. Hein? Donc s'il est propriétaire de ce qu'il lui demande, on a vu que ça c'est pas possible. Ou bien qu'il soit un partenaire avec le propriétaire, hein, de cette affaire. Et sinon, il sera peut-être un ministre ou un conseiller. Et on sait que c'est comme ça que ça se passe chez les rois et chez les ministres et les gens importants. Hein, les gens passent par eux pour accéder à ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ne peuvent pas de premier lieu arriver et accéder directement au roi. Donc ils passent par les ministres, ils passent par des intermédiaires. Et ça c'est le dernier point possible. Si tu peux pas être propriétaire, tu peux pas être associé, tu peux pas non plus être un aide, Et tu ne peux pas être intercesseur, donc il n'y a aucun moyen. Hein? Le seul qui possède tout, c'est Allah. Et donc c'est Allah seul que tu dois demander. Il n'y a personne dans les cieux et sur la terre qui détienne quoi que ce soit de ce qui peut t'aider, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, personne n'est partenaire avec Allah ou associé avec Allah dans quoi que ce soit de ce genre de choses, dans les cieux et sur la terre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun aide, aucun support, aucun allié. C'est-à-dire, il y a personne qui pourrait avoir une influence sur Allah. Comme par exemple, un roi ou un président ou un dirigeant, il a une femme, il a des enfants, il a des amis, il a des proches, hein, il a un père, il a une mère, il a des cousins, il a des oncles qui peuvent avoir une influence sur lui s'il va le voir pour lui parler, pour dire écoute, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, est-ce que tu peux me donner ci, est-ce que tu pourrais regarder ça. Ils vont avoir une influence sur lui. Allah, il n'y a personne qui a d'influence sur lui dans quoi que ce soit. Parce qu'il est Al-Ahad. Hein? Al-Wahid Al-Ahad. Donc il est le seul et l'unique, il n'y a personne. Il n'a besoin de personne. Et le Cheikh, il dit, parce qu'il n'a pas besoin d'aide. Le roi, il n'a pas le choix, il a besoin d'aide. Hein? Si le roi, il dit non à tout le monde, hein, et qu'il n'aide personne, eh bien à la fin les gens ils vont pas l'aider non plus, hein. Quand il aura besoin de quelque chose, les gens vont dire mais toi on t'a offert l'aide, ou bien on t'a demandé de l'aide, tu nous as pas aidé, maintenant toi tu veux qu'on t'aide, hein, qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Parce que les gens, c'est rare les gens sincères, hein. Les gens qui aident uniquement pour Allah, qui demandent rien en retour, c'est rare des gens comme ça, hein. Et des gens qui sont fidèles et honnêtes, hein, au roi, qu'ils vont le servir avec sincérité pour Allah et non pas pour obtenir quoi que ce soit en retour, ces gens-là sont rares, hein? Sinon ils vont obéir parce que on les paye, hein? Ils vont écouter parce qu'on les paye. Si demain on le paye pas, il dit ah mais moi je m'en vais, ou bien je vais aider quelqu'un d'autre, je vais pas aider lui. Donc c'est comme ça la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin d'aide de personne. Hein, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'a pas de besoin d'un aide ou d'un supporteur ou un défenseur à cause d'une faiblesse, hein, ou d'une humiliation ou de fait d'être humilié ou rabaissé. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Tout-Puissant. Hein? Donc il a besoin de personne pour l'aider, et il n'a pas besoin d'alliés ou de supporters, hein? Quand Allah il nous demande de l'aider à, par rapport à sa religion, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous qu'on doit l'aider, c'est pas pour l'aider lui comme s'il avait besoin de ça, hein? Et il dit الناس يتخذون أولياء لأنهم محتاجون إليهم الله لا حاجة له لكن له أولياء بمعنى محبوبين يحبهم ويحبونه من الولاية وهذا موجود وما له منهم من ظهير ما بقي إلا الشفاعة وهذه أيضا ما تحصل إلا بإذنه بخلاف الملوك في الدنيا والسلاطين فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا أما الله سبحانه وتعالى فلا أحد يجرأ أن يشفع عنده إلا بإذنه إذا لم يبقى للمشركين تعلق ولا برهان ولا حجة في من يدعونهم ليسوا مالكين وليسوا شركاء وليسوا وزراء والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله بخلاف المخلوقين فإنهم تحصل عندهم الشفاعة ولو لم يأذنوا ولو لم يرضوا حتى لكنهم يضطربون أو يضطرون يعني لقبول الشفاعة لأنهم محتاجون إلى الشفيع هذا فهذه أبطلت الشرك من أصله. والشاهد أن الملائكة من جملة من يدعوهم المشركون وهم لا يملكون شيئا من ولا يشاركون الله وليسوا وزراء وأعوانا لله عز وجل ولا يشفعون عنده إلا بإذنه. Donc le cheikh dit les hommes, ils prennent des supporters, des alliés, des défenseurs, ils ont besoin d'eux, ils n'ont pas le choix. Les rois, même les dirigeants, ils ont des gardes du corps, ils ont une garde spéciale qui sont toujours autour d'eux pour les protéger et les défendre à tout moment si jamais quelqu'un veut les attaquer. Même quand ils vont marcher en public, ils vont avoir des gardes du corps qui vont les surveiller. Et des fois même, tu sais même pas que c'est des gardes du corps parce qu'ils sont habillés comme des gens ordinaires, hein. Mais depuis que quelqu'un vient pour s'approcher, ils viennent les défendre. Il a besoin de ça. Pourquoi? Parce que sinon n'importe qui peut venir et puis il commence à l'embêter ou bien essayer de lui faire des problèmes ou bien des choses comme ça. Donc il peut pas laisser n'importe qui l'approcher. Donc ça c'est pour les êtres humains, les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a pas besoin de rien, de protecteur, de défenseur, de ce genre d'aide. Non. Il a des awliya dans le sens des gens qu'il aime et que Allah aime. Donc ils aiment Allah et Allah les aime. Donc al-wilaya dans ce sens-là. Ça existe. Mais il n'a pas d'aide. Il dit wa ma lahu minhum min dhahir. Il ne reste plus, donc il n'a pas d'aide ou de besoin d'aide. Mais il ne reste que l'exemple de la shafa, et même ça, hein, il ne la donne que à celui qu'il a permis d'intercéder. Hein, donc il dit, contrairement aux rois et aux dirigeants dans cette vie, il y a des gens qui viennent intercéder auprès d'eux. Même des fois, ils ont même pas donné la permission à ces gens-là d'intercéder, mais ils intercèdent quand même. Hein? Tandis que Allah, personne peut oser même intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc, il ne reste rien sur quoi les mushrikins pourraient s'accrocher comme argument ou comme preuve pour justifier ce qu'ils invoquent, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il a mentionné les quatre catégories. Il a dit laysu malikin, donc ceux que tu invoques en dehors d'Allah, ils sont pas propriétaires de rien, ils possèdent rien dans l'univers, même pas un atome. Wa laysu shuraka, ils sont pas des associés avec Allah, ils ont pas un partenariat, hein, dans l'univers avec Allah. Wa laysu wuzara, ils sont pas des aides ou des ministres ou des supporters d'Allah ou des alliés d'Allah. Non, Allah n'a pas besoin de ça. Et il reste que l'intercession. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que on ne peut pas intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Donc ça, même ça aussi, c'est fermé. Il reste plus rien. Il reste aucune porte par laquelle les mouchriquins pourraient venir pour justifier ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah et le shirk qu'ils font avec d'autres avec Allah. Parce que toutes ces portes-là ont été fermées complètement dans ce verset-là. Hein? C'est le verset 22 et 23 dans Surat Saba. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Donc les quatre portes sont mentionnées dans le verset et les quatre sont fermées complètement. Donc le cheikh il dit, hein, que yani, ils ne peuvent pas intercéder auprès d'Allah excepté si Allah a permis, et ils ne peuvent pas, même si Allah leur permet, intercéder pour qui ils veulent. Non, ils peuvent uniquement intercéder pour ceux que Allah a agréés parmi les personnes, hein, pour qui tu intercèdes. Si tu veux intercéder pour un kafir ou pour un mushrik, Allah ne va pas accepter, il ne va pas être satisfait. Tandis que dans la vie d'ici-bas, les gens, yani, ils vont auprès du roi, ils intercèdent sans sa permission. Hein? La femme du roi, elle rentre chez le roi. Hein? La femme du roi, la reine, elle rentre chez le roi. Elle intercède pour quelqu'un auprès de son mari. Lui, il veut pas, même s'il veut pas, il peut pas l'empêcher. Hein? Son fils, il vient, le fils du roi, il vient, il parle avec le roi, il dit, j'ai besoin d'intercéder en faveur de quelqu'un pour telle chose. Il peut pas l'empêcher, hein? Parce que il a des, wa alaykoum salam, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont des droits sur le roi a des responsabilités envers eux. Et en même temps, il veut les satisfaire aussi, il veut pas les déplaire, hein? Les soldats, les armées, les gardes du corps, tout le monde, ils veulent quelque chose. Il peut pas empêcher ça. Après, le cheikh, il dit, même des fois, il est pas satisfait. Donc, il a pas le choix d'accepter l'intercession de ces gens-là. Parce que ils ont besoin de ces intercesseurs-là. Donc ça, tandis que Allah, non, il a pas ces problèmes. Il n'a pas ces choses-là. Donc, le verset détruit le shirk à la base. Et c'est ça le point qu'on veut tirer dans le verset par rapport aux anges, qu'ils font partie, hein, de ceux que les mushrikoun invoquent en dehors d'Allah, et ils ne détiennent rien. Hein, et ils ne détiennent rien, et ils ne partagent rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne sont pas non plus des ministres ou des supports ou des aides pour Allah, et ils ne peuvent intercéder excepté par sa permission. Ensuite, le cheikh, il cite un autre verset qui est le verset 19 et 20 dans sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des anges, قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Donc dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne d'autres caractéristiques des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître des cieux et de la terre. Et il dit, ceux qui sont auprès de lui, en parlant des anges, hein, les anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la yastakbiruna an ibadatihi, ils ne s'enflent pas d'orgueil de l'adorer. Hein. Trouve pas ça déshonorant ou rabaissant de se soumettre à Allah et de se prosterner devant lui et de l'adorer. Hein? Et yani, il l'adore sans se lasser. Hein? Il l'adore sans se fatiguer. Ils exaltent sa gloire jour et nuit et ils ne cessent jamais. C'est-à-dire qu'ils glorifient Allah. Ils font le tasbih, hein, ils disent subhanallah le jour et la nuit, sans arrêt. Ils cessent jamais. C'est pas comme nous, les êtres humains, hein. Les anges, eux, c'est sans arrêt qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Et le cheikh, il explique ça en disant, wa hadhihi al-aya aydan, lahu ma fi as-samawati wal-ard, kulluhu mulkullah subhanahu wa ta'ala. وكل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله فهو ملك لله لا أحد يملك مع الله شيئا إلا من ملكه الله ملكا مؤقتا ثم ينزع منه الملك ويعطى لغيره ما أحد يستمر في هذه الدنيا يملك. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني يؤخذ منه الملك ويعطى لغيره من السلاطين والأمراء ما يستمرون وله من في السماوات والأرض من المخلوقات فإذا كانوا مملوكين لله فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى ومن عنده يعني الملائكة لأنهم عند الله سبحانه وتعالى في السماء عندية إكرام وتقريب من الله سبحانه وتعالى عنده يعني في السماء ومن عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته مع أن لهم مكانة مرتفعة عند الله سبحانه وتعالى ومع هذا لا يستكبرون عن عبادته هم عباد فكيف يدعون مع الله فكيف يدعون مع الله وهم عباد لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسحرون يعني لا يكفرون ولا يملون من تواصل العبادة فهم دائما يعبدون الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين لو قدر أن أحدا من الملائكة وحاشاهم قال إني إله لعذبه الله أشد العذاب لأنه منازع لله سبحانه وتعالى فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين هذا ظلم لأن الشرك هو أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم هذه أوصاف الملائكة وهذه الأوصاف تدل على أن الملائكة ذوات موجودة وليست أفكار ذهنية أو قوى كما يقوله الزنادقة donc le cheikh il explique que les anges يعني elles appartiennent à Allah Allah subhanahu wa ta'ala c'est à lui qu'appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre même nous même nous les êtres humains on appartient à Allah même nous on appartient à Allah les anges ils appartiennent à Allah les cieux et la terre et tout ce qu'il y a dedans tout ça ça appartient à Allah hein? Donc le cheikh il dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ça appartient à Allah et donc c'est lui le maître le propriétaire hein, de toute la création le roi de toute la création Et il n'y a personne hein, qui possède quoi que ce soit avec Allah. Excepté celui à qui Allah a donné un pouvoir temporaire sur les choses, parmi les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi sur la terre, par exemple, certains rois ou certains dirigeants. Mais ils sont des rois temporaires. Allah, lui, c'est Malik al-Muluk. C'est le roi des rois. Tandis que les rois qui sont sur terre, que Allah a donné, à qui Allah a donné un pouvoir, ça c'est temporaire. Après un certain temps, il leur retire le pouvoir et il le donne à quelqu'un d'autre. Hein? Ou bien ils meurent, ou bien ils sont destitués par d'autres, ou ainsi de suite. Donc il n'y a personne dans cette vie ou dans ce monde qui reste perpétuellement sur terre avec le pouvoir. Hein, ce pouvoir-là lui est enlevé et donné à quelqu'un d'autre parmi les dirigeants et les dirigeants et les gouverneurs. Donc le cheikh il dit, donc il n'y a personne qui continue avec le pouvoir tout le temps. Donc c'est à lui qu'appartiennent toutes les créatures qui sont sur terre et dans les cieux et sur terre. Et na, mashallah. Et le cheikh il dit فَإِذَا كَانُوا مَمْلُوكِينَ لِلَّهِ فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Donc s'ils sont des créatures et que Allah c'est lui qui les possède comment pourraient-ils être adorés en dehors d'Allah ou avec Allah hein? C'est insensé et ceux qui sont auprès de lui c'est-à-dire auprès d'Allah c'est-à-dire les anges il dit le cheikh que les anges ils sont auprès de lui Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les cieux. Les anges sont dans les cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de la création. Donc quand il dit que les anges sont auprès de lui, en voulant dire dans les cieux. Et c'est dans le sens de pour les honorer et pour montrer la proximité qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc auprès de lui, c'est-à-dire dans les cieux. Et il dit... ومن عنده c'est-à-dire les anges لا يستكبرون عن عبادته il ne s'enfle pas d'orgueil à l'idée de l'adorer. Donc, malgré leur statut et leur position élevée auprès d'Allah, hein, et malgré ça, ils ne s'enflent pas d'orgueil de se soumettre à Allah et d'être des esclaves d'Allah et de l'adorer. Donc, ils sont des serviteurs et des esclaves. Alors, comment pourraient-ils être invoqués avec Allah et adorés avec Allah, alors qu'eux-mêmes sont des serviteurs d'Allah? La yastakbirun, ils ne s'enflent pas d'orgueil d'adorer Allah et ils ne se fatiguent jamais d'adorer Allah. Hein? Et le cheikh, il dit, il ne renie jamais la foi et il ne se lasse jamais de l'adorer. Leur adoration est continuelle et perpétuelle, sans arrêt. Hein? Et il dit donc ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, sans arrêt. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils glorifient Allah jour et nuit et ils ne cessent jamais, ils n'arrêtent jamais. Et il dit, et quiconque, comme dans le verset 29 dans Surat Al-Anbiya, quiconque d'entre eux dirait, hein, je suis une divinité en dehors d'Allah, eh bien celui-là, nous lui rétribuons par l'enfer, on lui donne l'enfer en punition. Et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc, supposons, le cheikh dit, si on suppose qu'un d'entre les anges dirait ce genre de propos, et que Allah, il y en est loin de là encore qu'un ange dise ce genre de choses, mais supposons qu'un d'entre eux dirait cela, hein, je suis une divinité. Alors, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala le châtirait du plus dur châtiment. Pourquoi? Parce qu'il veut disputer à Allah subhanahu wa ta'ala son droit. Le droit de l'adoration. C'est ainsi que nous rétribuons, hein, et que nous punissons par l'enfer toute personne, hein, de cette façon. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Et le cheikh, il dit, ça c'est la plus grande injustice, le shirk. Parce que Allah, il dit dans le verset 13 dans Surat Luqman, certes le shirk est la plus grande injustice. Il n'y a pas d'injustice plus grande que le shirk. Et quand il dit ensuite, donc il glorifie Allah jour et nuit, il ne cesse jamais, et quiconque d'entre eux dirait, je suis une divinité en dehors d'Allah, eh bien Allah lui donnerait en rétribution l'enfer. Donc ça c'est les descriptions des anges. Donc ça c'est les descriptions des anges qui indiquent que les anges sont des êtres qui existent réellement. Et ce ne sont pas des idées ou des illusions, hein, dans l'esprit des gens ou dans leur tête ou dans leur esprit. Non, hein, contrairement à ce que prétendent les hérétiques, comme on l'a mentionné hier. Et ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, wa qad akhbara anna al-mala'ikata ja'at li Ibrahim fi surati al-bashar wa anna al-malak tamathala li Maryam basharan sawiyya. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب وفي صورة أعرابي يراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين. Et plein d'autres exemples comme ça. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah va mentionner d'autres versets et d'autres exemples pour clarifier la réalité à propos des anges et que ce ne sont pas des êtres illusoires ou des choses que les prophètes imaginent dans leur esprit. Non, ce sont des êtres réels qui ont été créés et qui ont une existence dans la création. Hein? Donc ça c'est pour réfuter, comme on a dit, les philosophes et ceux qui les ont suivis dans leurs égarements. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et ces exemples-là que Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionnés à propos des anges, on va les expliquer dans les cours prochains, Inch'Allah, la semaine prochaine. J'aimerais juste faire une annonce par rapport à ce week-end, parce que il y a un séminaire qui a été organisé par la mosquée Al-Athar à Québec, la ville de Québec. Les frères, ils m'ont invité pour terminer un livre qu'on avait commencé au dernier séminaire avec eux, le livre de Cheikh Abdussalam ibn Burgess, hein, Al-Mu'taqad al-Sahih. On a commencé le livre, on a fait la moitié, donc il reste la deuxième partie. Donc les frères m'ont demandé ce week-end de venir pour les visiter, pour faire la suite du livre. Donc je vais partir demain, Inch'Allah, après le Jumu'ah, et je vais revenir dimanche soir. Donc ce week-end, il n'y aura pas de cours ici à cause de ça. D'accord? Donc il y a un groupe de frères qui vont venir à Québec pour assister. Ceux qui sont intéressés de venir, peut-être que on pourrait essayer de voir avec d'autres frères qui vont partir s'il y a de la place pour les amener avec eux. Mais sinon, vous pourrez quand même, Inch'Allah, suivre sur la radio de la mosquée Al-Athar. Ils ont une radio en ligne, donc on pourra, Inch'Allah, faire parvenir le lien aux frères. Et puis, probablement que je vais essayer d'imprimer une affiche ou une feuille pour faire savoir aux frères à propos du séminaire le week-end, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته